Celui qui se disait fort, j'ai tant vécu les rêves d'or du macho qui s'endort. J'ai conjuré le mauvais sort de l'envers du décor. Décoller, je me suis cachée quand...